Lettre 266, 25 août 1897. Image de Thérèse à l'abbé Bélière. Recto, je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit, je l'aime, car il n'est qu'amour et miséricorde. Au verso, dernier souvenir d'une âme sœur de la vôtre, Thérèse de l'Enfant Jésus. Marc Emdan, archive.org. D'après Archives Carmel de Lisier.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.